Bonjour à tous, chers amis de la langue française, et bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, pour vous, une nouvelle leçon de niveau Upper Intermediate. Je l'ai bien dit, JP ? Oui, tout à fait, Upper Intermediate. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci, Amaury. Moi aussi, ça va très bien, puisque nous avons la chance de parler de blagues aujourd'hui. Ok, une blague belge. Oui. Uh-oh. Alors, j'expliquerai pourquoi, à la fin du podcast, on appelle ça une blague belge en France. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'elles sont très répandues chez nos amis les Français. Oui. Puisque tout le monde le sait, moi, je suis né en Belgique. Je suis français, mais je suis né en Belgique. Mm-hmm. Donc, je me sens très proche de ce pays. Ok. Et tu sais, Amaury, on m'a dit que les blagues belges concernent souvent les frites. C'est bien vrai, Dieu. Ouais. Parce que c'est important, les frites en Belgique. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est la bière. Ah, ok. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup en Belgique. Ok. Et c'est le cas dans le dialogue d'aujourd'hui, dans la blague qu'on va écouter. Il va s'agir de bière. Oui. Et pas des frites. Pas des frites ici. Ok. Alors, aujourd'hui, on n'a pas un mot-clé, on n'a pas une phrase-clé, c'est plutôt une expression. Ok, c'est quoi ? C'est mon jour de bonté. C'est mon jour de bonté. So, it's my day of goodness. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce que vous dites ça ? Alors, on dit ça quand on est de bonne humeur, quand on a envie d'être généreux. Oh, ok. Et quand on a envie de faire plaisir aux autres. Ok. So, I'm feeling generous. Voilà, exactement. All right. Donc, si j'ai envie de t'inviter au restaurant, je vais dire « Allez, JP, c'est mon jour de bonté aujourd'hui, je t'invite. » Et moi, j'accepte. Allez, il est temps d'écouter la blague maintenant. C'est parti. Un Belge est en train de siroter sa bière, accoudé au comptoir. Tout à coup, un génie apparaît et lui dit « J'ai apporté des bonbons. » Tu as l'air triste et esselé. Je t'offre deux vœux, parce que c'est mon jour de bonté. Je voudrais un verre de bière qui se remplisse automatiquement dès que je l'ai fini. Pas de problème. Ah ! Et pssst, le verre miraculeux apparaît. Le gars boit son verre une fois, deux fois, et ainsi de suite. Ça marche. Il se remplit à chaque fois qu'il est vide. Le génie s'impatiente et lui dit... Bon, et pour le deuxième vœu, qu'est-ce que ce sera ? La même chose. Il aurait peut-être pu choisir un autre vœu. Yeah. Oh, les Belges. Les Belges. Bon, ça mérite des explications, mais ça, on verra à la fin. Okay. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de l'humour. Et c'est bien qu'on ait une leçon comme celle-ci à un niveau upper intermediate, parce que parfois, c'est très difficile de saisir l'humour. Oui, tout à fait. Dans une autre langue, même si on a un très bon niveau. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on va maintenant expliquer un peu en détail cette blague. Ok. Alors, on a la narratrice qui introduit la blague et qui dit, donc, c'est un Belge qui est en train de siroter sa bière accoudée au comptoir. Ok, il y a beaucoup à voir là. Donc, il est en train de siroter, ça veut dire que c'est vraiment, il est dans l'action, c'est ce qu'il fait maintenant. Ouais, en train de. Oui. Et donc, il sirote sa bière. Ok, siroter, c'est quoi ? Alors, siroter, c'est boire, tu vois, tout doucement, avec un certain plaisir. Ah, comme les Belges et ses bières. Voilà, comme un Français sirotera plutôt un verre de vin. Voilà. Un Italien va siroter son café. Voilà, c'est ça. Et une personne de Seattle, qu'est-ce qu'elle va siroter ? De la bière aussi. De la bière aussi ? Oui, et du café. Il y a beaucoup de café à Seattle. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Ok. Donc, il sirote sa bière accoudé au comptoir. Ok, accoudé. Qu'est-ce que cela veut dire, accoudé au comptoir ? Dans le mot accoudé, on a comme racine le mot coude. Oh, the elbow. Voilà, ok. Ouais. Alors, accoudé ? Accoudé, ça veut dire quand on a le coude posé sur quelque chose. Ok. Par exemple, au comptoir ? Oui. Une table ? Oui. Voilà, beaucoup d'exemples. Ok. Donc, évidemment, ici, il est dans un bar, donc il est accoudé au comptoir. Mm-hmm. Et là, un génie apparaît. Pouf. Bon. On ne doit pas expliquer trop. Un génie de Seattle qui apparaît dans le bar avec un Belge. Uh-huh. C'est comique. Et donc, il dit à ce Belge, gentil le génie, hein, ouais. C'est un bon génie. Mm-hmm. Tu as l'air triste et esselé. Oh, il est assez sympathique ce génie. Ouais. Donc, il décrit le Belge et il le décrit de deux façons, triste et esselé. Donc, c'est surtout esselé qui est intéressant ici. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé seul. On a été laissé seul par les autres personnes, par les circonstances. Oh, comme abandonné quand même. Voilà, exactement. Ok. On est isolé. Ok. Oh, pauvre Belge. Alors, le génie veut aider le Belge et il lui dit « Je t'offre deux vœux. Waouh, quelle chance. On y a tous rêvé à cette chose-là. Yeah, ouais. Qu'un génie apparaisse un jour et qu'il dise tiens, Jepi, tu peux accomplir même un seul vœu. Et donc, il donne une explication. Ok, parce que C'est son jour de bonté. Et voilà notre expression clé. Oui. Donc, il n'est peut-être pas sympathique, il n'est peut-être pas généreux comme ça tous les jours, mais aujourd'hui, c'est son jour de bonté. Oh, ok. Alors, le Belge a de la chance. Il a peut-être déjà un peu trop bu, puisqu'il dit « Je voudrais un verre de bière qui se remplisse automatiquement dès que je l'ai fini. » Oh, c'est le rêve. Eh ouais. Donc, il voudrait un verre de bière qui se remplisse. Okay. Ça, c'est « remplir ». Pas tout à fait. Ici, c'est le verbe « se remplir ». Ok. Et il est à quel temps ? C'est le présent du subjonctif. Exactement, oui. Okay. Parce qu'on a commencé la phrase avec « je voudrais que oui. ». Ici, c'est « je voudrais quelque chose qui se remplisse ». Oui. « I want a glass of beer that refills itself ». Et voilà pourquoi c'est pronominal. « Qui se remplisse, that refills itself ». Oui. Et donc, quand on aura cette construction « vouloir que » ou « vouloir quelqu'un ou quelque chose qui », ce sera plus subjonctif. Donc, un verre de bière qui se remplisse automatiquement… Dès que je l'ai fini. Ok, dès que, as soon as. Oui. Right? Dès que. Et après dès que, il n'y a pas de subjonctif ? Non, là c'est l'indicatif qui est utilisé après dès que. Je l'ai fini. Évidemment, en parlant du verre de bière. Mm-hmm. Facile pour le génie. Oui, pas de problème. Hop, on l'entend, il pousse son cri, le vœu se réalise et le verre miraculeux apparaît. Et ça marche ? Ouais. Puisque le gars, donc... Le Belge, cet homme, le mec, on peut dire aussi en français, boit son verre une fois, deux fois, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il est vide, le verre se remplit. C'est le rêve. Mais alors, il y a quand même un deuxième vœu qui doit venir. Ouais. Mais le Belge ne dit rien, donc le génie s'impatiente. Oui, parce que boire une bière, ça prend du temps. Oui, surtout quand le verre n'arrête pas de se remplir. Ouais, ouais, Alors, le génie s'impatiente. Oui. Parce qu'il est en train d'attendre. Exactement, oui. Et donc, il en a marre et il dit, bon, et pour le deuxième vœu, qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que ce sera ? What's it gonna be ? Oui. Et là, notre brave Belge... La même chose ! Oui. Il ne pense plus qu'à la bière. Ah là là là là là là. Ça va pas, c'est pas ça qu'il fallait dire. Il aurait dû demander quelque chose d'autre. Je crois, JP, je crois. Il y a tellement de choses à demander. Des frites. Des frites. Peut-être. C'est bien, tout à fait, ouais. Bon, nous, on n'a pas le droit à un deuxième vœu, mais on a le droit d'écouter le dialogue une deuxième fois. Un Belge est en train de siroter sa bière, accoudé au comptoir. Tout à coup, un génie apparaît et lui dit « Tu as l'air triste et esselé. Je t'offre deux vœux, parce que c'est mon jour de bonté. » Je voudrais un verre de bière qui se remplisse automatiquement dès que je l'ai fini. Pas de problème. Ah ! Et pchit, le verre miraculeux apparaît. Le gars boit son verre une fois, deux fois, et ainsi de suite. Ça marche. Il se remplit à chaque fois qu'il est vide. Le génie s'impatiente et lui dit. Bon, et pour le deuxième vœu, qu'est-ce que ce sera ? La même chose. Alors, avant de parler un peu du sujet des Belges avec la France, on va peut-être reprendre deux, trois exemples avec la structure qu'on avait vue avec le subjonctif. Ok. Par exemple, moi, je voudrais connaître une femme qui sache cuisiner. Ça devient rare, JP. Moi, je sais que tu vas faire un concert très bientôt, le 6 juin, parce que... Ah oui ? Ouais, parce que JP est un excellent musicien. Oh, merci. Je voudrais que beaucoup de gens viennent à ton concert. Ok, viennent, c'est le subjonctif. De venir. Voilà, on a deux bons exemples ici. Donc, pour revenir maintenant aux Belges, ce qu'il y a, c'est qu'en France, on parle souvent des blagues belges. Pourquoi ça ? Parce que les Français aiment tourner en dérision faire des blagues concernant les Belges, ou bien on va dire même les gens qui parlent français un peu différemment. Ah, ok. Comme les Belges, les Suisses, les Québécois. Mm-hmm. Surtout les Belges quand même. Mais surtout les Belges. Et alors pourquoi ? C'est parce que les Belges ont un peu cette manière de s'exprimer un peu simple, un peu direct. Mm-hmm. Ils emploient le tu beaucoup, ils tutoient beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, ce sont des personnes un peu sympathiques, un peu simples. Mm-hmm. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Non. Et ce qui fait que les Français qui sont un peu plus... Sophistiqués. Mm-hmm. Parfois, ils voient les Belges et ils trouvent que c'est un peu marrant la façon dont les Belges parlent. Ouais, ouais. Parce que c'est très direct, ça prend moins de manières, quoi. Ouais. Et donc, voilà, de là sont nés les blagues belges. Ou alors, c'est toujours... Il y a toujours une blague avec, par exemple, avec trois nationalités, un Français, un Belge et un Américain. Et tu peux être sûr que c'est toujours le Belge à qui il arrive un malheur à la fin ou qui dit une bêtise. Ouais, ouais. Mais je suis sûr que cela n'arrive pas seulement en France. Non, pas du tout. Ah ouais. Aux États-Unis, il y a le même phénomène. Ah ouais ? Oui, oui, tout à fait. Dans le passé, aux États-Unis, il s'agissait des blagues concernant les Polonais. Ah mais, bon? mais maintenant, ça se fait plus. D'accord, ouais. Non, maintenant... C'est qui ? Surtout les blondes. Ah, les blondes ? Ouais. J'en ai un tas. Ouais. J'en ai un tas que je peux te raconter. Ah ouais, tu peux en dire une ? Mais après le podcast. Ah, d'accord. Moi, j'ai rien contre les blondes, mais c'est vrai que quand tu vois Pamela Anderson et Paris Hilton... Ouais, je comprends. Ouais. Bon, alors franchement, ce serait excellent que chaque auditeur ici puisse nous apporter une blague. Tout à fait. Et qu'on puisse les partager tous ensemble. Faut pas forcément que ça concerne une nationalité ou les blondes, n'importe quelle blague. En plus, si elle est en français, si vous connaissez une petite blague en français, ce serait parfait. Mm-hmm. Donc voilà, ce serait magnifique d'avoir vos commentaires avec une petite blague dedans. En tout cas, merci beaucoup pour cette leçon, JP. Merci à toi. Et j'attends ta blague sur les blondes. Ok. À la prochaine. Salut.